sans parler mal, sincèrement je le vois flou. C'est un studio dans une salle, ici que je viens faire le fou. Dans un studio en train de toucher des tables de mix, ou au bistrot en train de me saouler au pastis. Ma vie et ma vision, elle est bien trop irrégulière. Car on ne sait jamais notre destin sur cette terre. On peut mourir demain comme on peut tomber dans 10 ans. On peut croiser le paradis comme on peut goûter à Satan. Mon avenir je le vois dans une villa avec ma femme et mes enfants, où je donne ma langue au chat en me prostituant pour 5 francs. Je suis au 7ème ciel dans les îles, toujours de passage, où je me vois en cellule ici parce que je ne suis pas sage. Je me vois dans mon rêve depuis que j'ai l'âge de 15 ans. C'est de vivre plus que de rap devant tous ces adolescents, ou de finir dans la merde car ma vie n'a plus de sens. Car ma vie n'a plus de sens. Franchement on s'entend bien, on se fait des putains de zik, on ne fait plus que les malins. Sous les cocotiers en ne pensant plus qu'à mes rêves, ou galérer pour rien car mon argent est très bref. Je le vois dans le rap ou alors dans une grande usine, car de touche mentale je ne compte plus que sur mes rimes. Malgré ce qui se passe je te jure de rester fort, je ne lâcherai pas pour aboutir mes efforts. Ça fait bientôt un an que je rappe pour ma passion. Ça fait Tino 16 ans dans les bacs mais bon passons. L'avenir dans les mots sera peut-être un bon projet, en espérant que le rap me ramène.